Madame, je voudrais essayer cette robe et cette adorable chemisier rose. Naïm, regarde ces bijoux. Ils sont jolis. Ah oui, j'adore ce bracelet.